Rivière-Eva et Malartic étaient condamnés à s'entendre pour respecter le schéma de couverture de risque de la MRC de la Vallée de l'Or. C'est d'ailleurs la MRC qui est intervenue pour résoudre l'impasse. Le président du comité de schéma de couverture de risque, le maire de Sainte-Terre, Jean-Maurice Matt. On vient de passer à autre chose parce que c'est un dossier qui minait beaucoup l'ambiance dans ce secteur-là. C'est une entente qui offre une couverture dans les TNO et dans les 4 premiers kilomètres entre Malartic et Rivière-Eva. Donc, on parle de 5 interventions ou 20 heures. Si on va au-delà de ça, mais il y aura des frais supplémentaires. Rivière-Eva et Malartic n'ont pas suffisamment d'effectifs pour être pleinement autonomes. Chaque municipalité devra donc prêter main forte à l'autre en cas de besoin. Le maire de Rivière-Eva, Réjean Gay, est satisfait de l'entente. Ça ne change rien à rapport au compte ou au relevé de taxes pour le service incendie. Aussi, ça représente une sécurité pour le secteur du lac Maurier, aussi les premiers 4 kilomètres de Malartic aller vers Rivière-Eva, qu'ils vont être protégés. Même son de cloche du côté de Malartic. Le maire, André Vezeau. Je suis content parce qu'on va passer à d'autres choses. On va mettre des énergies sur d'autres choses. D'ailleurs, les deux municipalités doivent maintenant s'entendre sur le dossier du service des loisirs qui n'est toujours pas réglé. Sandra Ataman, Radio-Canada, Val-d'Or.